peut-être en prendre un dernier avant la pause, peut-être. Oui, bonjour, Morel Live. Ce vendredi, premier vendredi de la saison, ce qui change absolument rien dans vos vies. J'aime juste ça le dire pareil. Comment ça va? Comment bonjour. Ça va? Bonjour, êtes-vous en vacances, vous? Allô, allô? Êtes-vous en vacances, là, ou vous êtes sur la job? Non, je suis sur la job, les amis. Parle-moi de ça. Vous, êtes-vous sur le camion? Êtes-vous sur la livraison? Exactement, je suis à mon compte, par contre, mais je vous avoue que tous les gars qui travaillent avec moi, c'est tous des gars qui sont en fête et 17$ de l'heure. Puis chez nous, pour une grosse compagnie nationale, coast to coast, ça fait pas loin d'une dizaine d'années qu'il n'y a pas eu l'augmentation de salaire, les amis. Qu'est-ce que vous pensez du comportement des syndicats jusqu'à maintenant? Je parle pas juste là, des policiers de Montréal, mais en général, les syndicats dans toute cette histoire-là de fonds de pension. Comment vous trouvez ça? C'est parce que moi, je leur proposerais de switcher de conditions salariales avec les camionneurs du Québec de façon instantanée en claquant des doigts. Je vous garantis que là, il y aurait des raisons de monter aux barricades. Mais naturellement, ces gros bébés gâchés-là, ça n'auront même pas la peine d'aller voir qu'est-ce que les gens qui les arrêtent régulièrement, ils donnent des tickets et écœurs et barres constamment. Ils prendront pas la peine de vérifier les conditions des autres. Ils regardent juste leur gros nombril, comme des gros égoïstes enfants malades, des limitomanes, ils le sont tous. Alors, voici ce qu'on pourrait faire. On a déjà marché dans la rue à choix. On pourrait s'arranger que toutes les stations de radio et de télévision et tout le monde se mettent ensemble parce que là, on est rendu pas loin de la confrontation. Et j'ai pas l'intention de vendre ma maison et le peu que j'ai acquis pour engraisser encore à peu près 5-6% de la population. 95% de la balance va payer les conditions de ces gros bébés-là. On pourrait ramasser tous les anciens stickers des calques de la FDQ, CSN, CQ, tout ce qui traîne partout. On pourrait s'installer autour des postes de police et de pompiers, et à grands coups de milliers de citoyens insatisfaits, on va passer tous les voitures des... excusez-moi bien, là, les policiers, les pompiers, vous n'êtes pas seuls, peuvent coller les stickers. D'autres sont pas capables, à grands coups de mille, puis il y a pas mal de monde qui va sortir. Je serais beau, je commencerais à être inquiet un petit peu, là, à baver tout le monde, là. Parce que nous autres aussi, on peut aller vous baver. Parce qu'on a une colère aussi. Eux autres, ils ont une colère. Ils aiment beaucoup ça, dire ça, d'ailleurs. Oh, nos membres sont en colère, on peut pas être contrôlés. Il y a une colère tranquille, mais qui gronde. Ben, mon une colère. Mon portefeuille est en colère, mon très cher ami, et mes très chers amis ici aussi. Alors, je fasse bien attention, parce que le monde des camionneurs, on a déjà barré des routes au lac Saint-Jean, tout arrêté un peu partout, là. On est capable, nous autres aussi, de faire ça, on se parle, on a des civils, on est très capables. Et je vous garantis que vous allez passer deuxième, la police puis les pompiers. C'est une promesse. Fait que faites bien attention, les amis, parce que vos véhicules personnels, là, on prend même à coller des véhicules partout, vous allez voir, c'est vous autres qui allez gratter. Il faut pas tomber dans leur jeu des manages non plus, là. Mais je comprends la colère, on est en joie le vert. Mais eux autres ont le gros bout du bâton aussi, là, aux dernières nouvelles. Mais c'est la loi des grands nombres, Dominique. C'est la loi des grands nombres. Attention, ils sont en minorité. Ils pensent qu'ils sont plus forts que tout le monde. Ça, t'as raison. C'est la loi on des est la nombres, majorité. On est la majorité. Et on a voté pour ça, soit dit en passant. On a voté pour ça. Les libéraux l'ont dit en campagne. On leur a donné une majorité. C'est pas une surprise, là, le discours de Moreau puis de Couillard, là. On a voté pour ça, et c'est ça qu'on a, puis c'est ça qu'on va avoir. C'est ça. Puis le message que je passe un matin, il y a des camionneurs partout là, qui me rencontrent. Je vois qu'ils nous écoutent. Là, on est en même longueur d'onde. Les gars, ça frappe à coup de poing, c'est le dash. Fait que je sais qu'ils nous écoutent. C'est pas une menace que je fais là. C'est une certitude. Parce qu'on l'a déjà fait. C'est un roll-ball. C'est un roll-ball. Il faut absolument se laisser, mon ami. On est dans le trou. Il faut aller à la pause. Il faut que les policiers sachent qu'on est derrière eux. C'est pour ça qu'ils parlent comme ça. Parce que là, pour une fois, on dirait que Couillard et ses amis vont se tenir, là. On dirait qu'ils sont partis pour y aller, faire ce qu'il faut. Alors, je les invite. Si jamais ça finit à 50-50, là, je vais être en maudit pareil. Parce qu'ils vont encore venir chercher 50% de la paye pour leur donner un fonds de pension. Alors qu'eux ne feront jamais l'inverse. Ils n'ont jamais donné 50% de leur fonds de pension. Nous autres, il n'y en a pas. Alors, ceux qui ont entendu les policiers, les pompiers, passez-vous ça entre les dents. Puis la prochaine fois qu'on voit dans la rue, là, soyez polis et gentils. Parce que ça se peut que nous, on ne le soit plus. Merci, bonsoir. Salut, c'est clair.